Chapitre 5. Hetzal Prime en orbite. Minutes avant l'impact. Bels et Tiffar sentit les premiers contacts de l'atmosphère qui effleurait l'appareil. Leur vecteur ne portait aucun nom, du moins officiellement, car tous les vaisseaux étaient identiques et en théorie interchangeables aux yeux des Jedi, mais son maître et lui empruntaient toujours le même, dont les ailes avaient été éraflées par la traversée d'une tempête ionique. Le motif ressemblait à des traînées stellaires, et Belle, toujours mentalement, jamais à voix haute, l'avait donc baptisé Nova. La conception des vectors se résumait au strict minimum. Bouclier limité, presque pas d'armes, et une assistance informatique réduite à sa plus simple expression. Leur capacité était celle que leur conférait leur pilote. Les Jedi étaient les boucliers, les armes, les cerveaux qui calculaient les limites de ce que les appareils pouvaient accomplir et les lieux où ils pouvaient se rendre. Les vecteurs étaient petits et agiles. Il fallait voir une flotte de ces appareils lorsque les Jedi qui les pilotaient coordonnaient leurs mouvements grâce à la force avec un niveau de précision dont aucun droïde et aucun autre pilote n'était capable. Ils ressemblaient à des nuées d'oiseaux ou peut-être à des feuilles mortes emportées par une bourrasque, toutes dans la même direction, connectées par un lien invisible. Une force. Belle avait assisté à une démonstration sur Coruscant un jour, dans le cadre d'un des programmes de sensibilisation du Temple. 300 vectors, évoluant de concert, traits d'or et d'argent qui brasillaient sous le soleil au-dessus de la place du Sénat. Ils se séparaient, puis se réunissaient en traçant des entrelacs, se frôlant à des vitesses stupéfiantes, impossibles. Ils n'avaient jamais rien vu de plus beau. Les gens appelaient cela une dérive. Une dérive de vectors. Mais pour le moment, le Nova volait seul, avec simplement deux Jedi à son bord. Lui, l'apprenti Bel Zetifar, et devant, au poste de pilotage, son maître, Loden Great Storm. Le contingent de Jedi embarqué dans le Third Horizon s'était séparé, et les vecteurs avaient pris la direction de points situés dans tout le système. Il y avait trop de tâches à mener à bien et trop peu de temps. Leur destination était le plus grand corps planétaire habité, Hetzal Prime. Leur mission, vague mais cruciale, porter secours. À travers la verrière, Belle jeta un coup d'œil à la courbe du monde qui se trouvait en dessous, vert, doré et bleu. Un endroit magnifique, du moins à cette altitude. À la surface, la situation devait être tout autre. On apercevait des signatures de moteurs stellaires jusqu'à l'horizon, exode massif de vaisseaux qui quittaient la planète. Le Nova, ainsi que quelques autres vectors et les longues bimes de la République qu'il apercevait ça et là, étaient les seuls à se diriger vers la surface. « Entrez dans la haute atmosphère, Belle, » annonça Loden sans se retourner. « Tu es prêt ?»« Vous savez que j'adore ce moment-là, maître, » répondit Belle. Great Storm gloussa. Le vaisseau plongea ou tomba, on aurait eu du mal à faire la différence. Un rugissement leur parvint depuis l'extérieur, tandis qu'ils passaient de l'espace à la friction de l'atmosphère. Les bords d'attaque usinés avec précision des ailes du vecteur avaient beau fendre l'air comme une lame, ils rencontraient une résistance. Le Nova perça les strates supérieures de l'atmosphère de Hetzal Prime. Non, on ne pouvait pas vraiment dire « percer ». Loden Great Storm était un pilote trop habile. Certains Jedi utilisaient leur vecteur de la sorte, mais pas lui. Il se faufilait glissant sur les courants aériens et le chevauchant pour laisser l'appareil prendre sa place naturelle dans l'interaction de la gravité et des vents à la surface de la planète. Le vaisseau voulait tomber et Great Storm le laissait faire. Une manœuvre grisante, mortellement dangereuse, d'autant que le vecteur était conçu pour transmettre la moindre vibration, le moindre tangage aux Jedi qui l'occupaient afin qu'ils puissent réagir au mieux, guidés par la force. Bell serra les poings. Un sourire s'épanouit sur son visage. « Spectaculaire !» dit-il sans y penser. Son maître éclata de rire. « Rien de tel, Belle. Je nous ai juste orienté vers la planète. La gravité s'est chargée du reste. » Après avoir plané sur une longue courbe, lisse comme le coude d'un fleuve, le Nova se redressa, désormais assez proche de la surface, pour que Bell distingue les bâtiments, les véhicules et d'autres détails plus petits en contrebas. Tout semblait si paisible. Rien ne trahissait une catastrophe en cours dans le système. Rien. À l'exception du nombre croissant de vaisseaux qui décollaient. Où doit-on atterrir? Sans qui Bell? Maître Chris vous l'a-t-elle dit? On a laissé ce détail à notre discrétion, répondit Gret Storm en se tournant légèrement de côté, dévoilant un profil sombre et buriné comme le flanc d'une montagne. Le mouvement dégagea les lécous de son crâne de Twi'lek, et il suivit des yeux les traînées que laissaient les appareils d'évacuation planétaire. « Nous aiderons de notre mieux », ajouta-t-il. « Mais il y a toute une planète! Comment savoir où ?»« À toi de me le dire, petit !» le coupa Loden. « Trouve un endroit où nous rendre. »« Un exercice ?» demanda Bell. « Un exercice. » La pédagogie de Loden Gret Storm reposait sur un principe très simple. Chaque fois que Bell était théoriquement capable de mener à bien une tâche particulière, et même si Loden pouvait s'en acquitter 10 fois plus vite et 100 fois mieux, c'était à l'apprenti d'agir et non au maître. « Si c'est moi qui fais tout, personne n'apprend quoi que ce soit », avait-il l'habitude de répéter. Loden n'était pas forcé de tout faire, certes, mais Bell aurait été ravi de le voir faire quelque chose de temps en temps. Son apprentissage auprès du formidable Gret Storm consistait en une série sans fin de missions impossibles. Son entraînement au Temple Jedi pendant 15 de ses 18 années n'avait jamais été facile, mais en devenant le Padawan de Loden, il était passé à un niveau radicalement différent. Chaque jour, sans exception, il devait repousser ses limites. Le moindre temps libre dont il disposait, Bell le consacrait à sombrer désespérément dans le sommeil le plus profond de sa vie, avant de devoir s'y remettre. Mais il apprenait. Il s'était énormément amélioré en 6 mois dans tous les domaines. Bell savait ce que son maître attendait de lui. Encore une tâche impossible. Mais Bell était un Jedi, ou du moins s'en approchait-il, et grâce à la force, tout devenait possible. Il ferma les yeux et ouvrit son esprit. Et voilà qu'elle apparut. Cette petite flamme en lui qui ne s'éteignait jamais. Au minimum toujours aussi vive que celle d'une bougie, et parfois, s'il se concentrait, aussi intense qu'un véritable brasier. À quelques occasions, elle lui avait semblé aussi éblouissante qu'un soleil, devenant un déluge de lumière qui affluait en lui au point qu'il craignait de devenir aveugle. Mais, en toute honnêteté, cela n'avait pas d'importance. Simple étincelle ou incendie, tout lien avec la force avait le pouvoir de chasser les ombres. Bell puisa dans la lumière qui l'habitait, cherchant les connexions qui le reliaient aux autres formes de vie, aux réceptacles de force à la surface de la planète. Tout près de lui, il ressentit une source immense de pouvoir et d'énergie. Elle était au repos, comme les braises rougeoyantes d'un feu, mais d'énormes réserves de vigueur demeuraient disponibles en cas de besoin. C'était son maître, Loden. Bell l'ignora, il cherchait autre chose. Là, comme un holo longue distance qui devient plus net lorsque le signal gagne en puissance, le réseau de force qui reliait tous les esprits et toutes les âmes de Hetzal surgit dans le cerveau de Bell. Il ne s'agissait pas d'un schéma clair, mais plutôt d'impressions. Un plan recensant des zones émotionnelles comparables au patchwork de champs qui défilaient à vive allure sous le Nova. Il ressentit surtout la panique et la peur. Des émotions dont les Jedi s'efforçaient à tout prix de s'affranchir. Selon les enseignements, l'unique contact d'un vrai Jedi avec la peur devait se limiter au foie où il l'apercevait chez autrui, une expérience tout à fait courante. Bell avait détecté ces émotions à maintes reprises, mais elles s'accompagnaient toujours d'amour, d'espoir et de surprise, ainsi que de nombreuses touches de joie. Tout le spectre des émotions inhérentes aux êtres sensibles. Du moins, en temps normal. Sur Hetzal Prime, pour le moment, elle se limitait essentiellement à la panique et à la peur. Bell n'était pas surpris. Il avait entendu l'ordre d'évacuation. Catastrophe en cours dans l'ensemble du système. Tous les habitants ont pour ordre de quitter immédiatement le système Hetzal par tous les moyens et de rester à distance de sécurité. Aucune explication, aucune mise en garde. Et le calcul était vite fait. Des milliards d'habitants, mais clairement pas assez de vaisseaux pour les évacuer tous. Qui n'aurait pas paniqué ? Sur un monde qui bouillonnait de ce genre d'énergie négative, on avait du mal à imaginer ce que deux Jedi pourraient bien faire à eux seuls. Mais Loden Greatstorm avait confié une mission à Bell, qui poursuivit sa recherche dans l'espoir de trouver un endroit où il pourrait se rendre utile. Quelque chose. Un nœud de tension comprimé, dense. Un conflit, une question, une situation déplacée. Une impression d'injustice. Bell ouvrit les yeux. « À l'est » annonça-t-il. En cas d'injustice, eh bien, il rétablirait la justice. Les Jedi étaient la justice. Le Nova vira sur l'aile et accéléra doucement sous l'impulsion de Loden. Le maître de Bell le laissait parfois piloter, chaque siège disposant des contrôles, mais la maîtrise des vecteurs nécessitait presque autant de compétences que celle d'un sabre laser. Dans de telles circonstances, Bell était ravi de voir Loden prendre les commandes. Il lui tenait lieu de navigateur, puisant dans son lien encore intense avec la Force pour guider l'appareil vers la zone de conflit qu'il avait détectée, orientant Loden et corrigeant avec précision la trajectoire. « On devrait se trouver exactement au-dessus, quoi que ça puisse être. »« Je crois que je vois, » répondit Loden d'une voix hachée et tendue. D'ordinaire, on sentait un sourire derrière ce ton, même lorsqu'il critiquait sans ménagement les progrès pédagogiques de Bell. Mais pas cette fois. Ce que Bell ressentait, il savait que Maître Greatstorm le détectait aussi, et sans doute de façon plus intense encore. À la surface, sous les cercles qu'effectuait désormais le Vector, des gens allaient mourir. Certains étaient peut-être même déjà morts. Loden fit de nouveau virer l'appareil pour effectuer un cercle plus resserré afin d'obtenir une vue dégagée du sol au travers de la verrière en transparacier du Nova. À une centaine de mètres en contrebas se trouvait un complexe entouré d'une enceinte. Vaste mais pas gigantesque. Il s'agissait sans doute de la demeure d'un individu ou d'une famille riche plutôt que d'un bâtiment gouvernemental. Une grande foule entourait le mur et se concentrait au niveau du portail. Un simple coup d'œil permit à Bell d'en comprendre la raison. Un vaisseau de grande taille occupait la cour. Il ressemblait à un yacht de plaisance assez spacieux pour accueillir une vingtaine, voire une trentaine de passagers en plus de l'équipage. Et si le confort ne constituait pas la priorité, on pouvait sans doute y caser 10 fois plus d'occupants au bas mot. On devait sans doute voir l'appareil depuis le sol. Sa coque dominait l'enceinte du manoir, et la foule qui s'était amassée devant le portail y voyait de toute évidence le seul moyen de quitter ce monde. Les gardes armés, postés tout autour de l'enceinte, ne l'entendaient manifestement pas de cette oreille. Sous les yeux de Bell, un tir de blaster fusa pour s'abattre près de l'entrée. Une salve de mise en garde, heureusement, mais il semblait évident que le temps des avertissements n'allait pas durer. La tension montait parmi la foule. Il n'était pas nécessaire d'être Jedi pour s'en rendre compte. Pourquoi ne les laisse-t-il pas entrer? Cet appareil pourrait en emmener beaucoup en lieu sûr. C'est ce que nous allons déterminer, répondit Loden. Il activa un interrupteur sur son tableau de bord et la bulle du cockpit se rétracta en douceur, disparaissant dans la coque. Loden se retourna en souriant sous le vent qui les giflait, soulevant ses lécous et les dreadlocks de Bell. On se retrouve en bas. Rappelle-toi, c'est la gravité qui fait presque tout le travail. Puis il sauta.